ولا مستقيمة على منهاجه فانقلبت عداوة يوم القيامة إلا المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي فإن محبتهم تبقى وتدوم بدوام من كانت المحبة لأجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. وقال العلامة المبارك فوري رحمه الله: قوله الرجل يعني الإنسان على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته. فلينظر أي فليتأمل وليتدبر من يخالل من المخالة، وهي المصادقة والإخاء. فمن رضي دينه وخلقه وخالله، ومن لا تجنبه، فإن اتباع سراقة، فإن اتباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده. انتهى كلامه رحمه الله. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: ما رأيت شعرا أشبه بالسنة من قول عدي بن ثابت: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرداف ترذى مع الردي. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تتباع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. فصحبة الصالح تنفعك، إما أن ينفعك علما أو هديا حسنا، أو أن يظن الناس بك ظنا حسنا ويذكرونك بالجميل، فإنه يقال إنه لم يصاحب فلانا إلا وهو على خير. وصحبة الجليس السوء تضرك، إما في علمك أو في خلقك أو في سمعتك عند الناس، فإنه يساء بك الظن إذا رأوك تصاحبه. عباد الله، إن ميزان اختيار الصاحب يجب أن يكون ميزانا دقيقا مبنيا على العلم والهدى، لا على الجهل والهوى. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن الناس من تخدعك صورته وحسن منطقه وظاهر حاله، وهو ينطوي على شر وخبث، كالريحانة حسنة الريح مرة الطعم. فمتى رأيت مثل ذلك في من تصاحب فأسرع الهرب وبادر إلى النجاة، فإن صحبته شرا لا يلبس عليك الشيطان فيقول: صاحبه وترفق به لعله إن يصلح، فإن العادة جرت على حصول العكس، وهو فساد الصالح لا صلاح الفاسد إلا ما ندر. وعلى حد قول القائل: لا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، لكن الصحيحة تجرب. ودعوة الضال شيء آخر غير مصاحبته ومؤالفته. فالحزم كل الحزم أن تنأى بنفسك عن موارد الهلكة وأسبابها. قيل لأعرابي: لما قطعت أخاك من أبيك؟ قال إني لأقطع الفاسد من جسدي الذي هو أقرب إلي من أبي وأمي وأعز فقدا. عباد الله، إذا كان المرء عموما أن يعتني بالاختيار الأصحاب، فإن أولى الناس بذلك الشاب المسلم في متقبل عمره، لأن المرء في الغالب على أول نشأته، فإذا صاحب أهل الصلاح والاستقامة والحرص على ما ينفع من مصالح الدين والدنيا كان ذلك من أسباب سعادته إن شاء الله. وإن صاحب أهل الفسوق والفجور والبطالة والشهوات كان ذلك من أسباب شقاوته وضلاله، إلا أن يتداركه الرحمن برحمته ولطفه. وإذا كانت مصاحبة الفساق أصحاب الشهوات خطرا جسيما، فإن من الناس من صحبته أشد خطرا، وإن كان من أهل العبادة والسمت الحسن فإن ضررهم أشد، ألا وهم أهل الأهواء والبدع، لأنهم يفسدون عقيدة المسلم وهو يظن أنه على الهدى والحق، فمتى يتوب مثل هذا من بدعته وضلالته التي تقوده إلى النار والبوار؟ إن البدع أشد من المعاصي، البدع أشد من المعاصي، لأن البدع تمحو معالم الدين، كما أنها تتضمن اتهام الدين بالنقص. فلو اعتقد المبتدع أن الدين كامل فما الذي أحوجه إلى البدعة؟ أما المعاصي فمع خطرها وعظم ضررها، إلا أن صاحبها يعلم من نفسه الخطأ والتقصير، فمثله يوشك أن يتوب. ولهذا نصح أئمة السلف كل مسلم ومسلمة أن يحذر أهل البدع والأهواء، وأن يتجنبوا مصاحبتهم ومخالطتهم والتتلمذ عليهم، حفظا للدين وهو رأس المال. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجوه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فأيئس منه، فإن الشاب على أول نشوته أو نشئه وقال الإمام ابن الجوزي لما ذكر بعض أهل الأهواء: الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت عابدا مجتهدا متقشفا متحرفا بالعبادة صاحب هوى، أي صاحب بدعة، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ومن كلام السلف قبل هذا قول ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، يعني أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. فصحبة أهل البدع ومخالطتهم وموادتهم مخالف لسبيل السلف الصالح الذين هم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين هم أعظم بصرا بمكايد أهل البدع وطرائقهم في الإضلال، والذين هم أعظم إدراكا لإضرار مصاحبتهم على القلوب والعقائد. ومن أهل البدع القبوريون الذين يعظمون المشاهد والأضرحة ويصرفون لها العبادة، ومن أهل البدع الرافضة الذين يلعنون الصحابة ويكفرونهم، ومن أهل البدع الخوارج الذين يسبون ولاة الأمور ويطعنون عليهم ويخرجون عليهم بالقوة، ومن أهل البدع الحزبيون من أتباع الفرق المعاصرة التي تسمى بالجماعات الإسلامية مثل حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير والجماعات الحزبية في مختلف البلدان، فتحزبهم بدعة منكرة. ومن أهل البدع الصوفية الضلال، ومن أهل البدع أهل التكفير وأهل الغلو في الجهاد وفي التكفير مثل داعش والخوارج والقاعدة وغيرهم، فكلهم يجتمعون على أصول اخترعوها ومناهج أحدثوها وإليها يدعون وعليها يوالون ويعادون. فاتقوا الله عباد الله في هؤلاء، ولا تصاحبوا إلا الأخيار الذين هم يلتزمون بالإيمان والإسلام والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ويجتنبون البدع والضلالات والخرافات وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Et sachez que l'être humain, il est affecté par ses compagnons, il est influencé par ses amis. Et donc la personne qui est raisonnable et qui utilise sa raison, elle cherche à prendre comme compagnon la personne qui est bonne en elle-même comme compagnon. Parce qu'elle sait que la personne qui veut le salut pour sa personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, si elle prend un compagnon qui est mauvais, cela aura sur lui un mauvais effet qui risque de lui faire du tort dans sa religion et dans sa dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a incité de faire des efforts pour rester avec les gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, et qui veulent uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils purifient leur religion et qu'ils établissent leur religion sur la sincérité et la pureté dans leurs intentions, et qu'ils ne tournent pas leur regard uniquement vers la vie d'ici-bas et vers ses parures et vers ses distractions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également de ne pas obéir ceux dont le cœur a été rendu insouciant ou est devenu insouciant vis-à-vis du rappel d'Allah et qui ont suivi leur passion. Et tout ça c'est pour nous rappeler donc l'importance de rester avec les bons compagnons, de rester avec les bons amis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit également de prendre comme compagnons autre que ceux qui sont les pieux et qui obéissent à Allah et qui se détournent de sa désobéissance, en disant ce qui signifie les bons amis, ceux qui ont été des amis dans la vie d'ici-bas, au jour de la résurrection, ils seront des ennemis, excepté les pieux. Donc tous ceux qui ont été des amis dans cette vie d'ici-bas, pour autre que Allah, et qui se sont aimés les uns les autres dans le péché, dans la désobéissance, ou dans l'innovation et dans la bid'a, au jour de la résurrection, ils vont devenir des ennemis les uns des autres. Et ils vont se détester les uns les autres. Et ils vont se désavouer les uns des autres. Et ils vont se maudire les uns les autres. Et ils vont invoquer les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que les uns ont été la cause de l'égarement des autres. Et ils ont été la cause du fait que certains d'entre eux ont été appelés au châtiment. À cause de la mécréance ou des péchés ou de la désobéissance et des innovations qu'ils ont faites. Et donc, il faut faire en sorte que notre amour, notre amitié avec les autres soit basée sur la piété, sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas sur autre chose que ça. Approchez-vous un peu, en particulier ceux qui sont devant. Si vous voyez de l'espace devant vous, approchez. Et donc cette amitié qui était dans cette vie d'ici-bas et qui n'était pas sur la bonne voie, qui était basée sur le shirk ou sur les péchés ou sur le kufr et autres, ça devient de l'animosité et de la haine au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans le Coran, la personne qui dit « Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula » Donc celui qui au jour de la résurrection va mordre ses doigts « Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi » Le jour où l'injuste va se mordre les mains et il va dire: pourquoi j'ai pris un tel comme ami? Malheur à moi! Pourquoi j'ai pris un tel comme compagnon? Il m'a égaré de la guidance après qu'elle me soit parvenue. Et le shaitan, une fois qu'il a fini de t'égarer, il t'abandonne, il te laisse. Et donc, c'est un avertissement au sujet de prendre quelqu'un pour ami qui est mauvais, qui est autre sur la bonne voie. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la voie de son meilleur ami. Alors prenez garde, vérifiez qui est-ce que vous prenez comme ami. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un comme ami, eh bien tu vas prendre ses habitudes, tu vas prendre ses manières, tu vas prendre son comportement, tu vas prendre ses agissements et tu vas devenir comme lui. Et donc fais attention à qui tu prends comme ami et qui est-ce que tu fréquentes, parce que tu vas adopter son comportement, tu vas adopter ses manières. Et si c'est quelqu'un de mauvais, eh bien tu vas devenir mauvais comme lui. Et c'est comme on dit, les at-tuyur ala ashkaliha taqa'u, et qui se ressemble s'assemble. Donc si quelqu'un, il s'associe, il se lie d'amitié avec quelqu'un, en général c'est parce qu'il y a des choses en commun qui le rassemblent avec cette personne. Donc tu peux même dire que si tu veux savoir qui est quelqu'un, tu n'as pas besoin de le regarder lui, regarde qui est sa fréquentation, regarde avec qui il marche, regarde avec qui il parle, regarde avec qui il mange, regarde avec qui il se tient, et ça te donne l'idée, et ça te fait comprendre qui il est. Donc s'il reste avec les gens pieux, avec les gens de la foi, avec les gens de l'obéissance, avec les gens qui aiment la science, avec les gens qui aiment le savoir, avec les gens qui aiment l'adoration d'Allah, avec les gens qui aiment la piété, eh bien il va être comme eux, il va se rapprocher d'Allah, il va faire des efforts pour plaire à Allah. Mais si sa fréquentation sont les gens de l'insouciance et de l'indifférence qui se détournent du rappel d'Allah qui passent leur temps dans la désobéissance et dans le péché et dans l'éloignement de l'adoration et qui ne pensent qu'à la dunya, qui ne pensent qu'aux intérêts de la vie d'ici-bas, qui oublient la mort, qui oublient le jour de la résurrection, qui oublient le paradis et l'enfer, ils risquent de devenir comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du bon et du mauvais compagnon en le comparant à celui qui vend du parfum et le forgeron qui souffle le feu. Et il a donné l'exemple que la personne qui vend du parfum, c'est le bon compagnon, c'est comme le bon compagnon. Même si il te donne pas de son parfum, mais au moins tu vas profiter de son bonne odeur, ou même peut-être que tu vas pouvoir en acheter un peu de lui. Tandis que le mauvais compagnon, s'il ne brûle pas tes vêtements, mais il te nuit encore, il te fait du tort avec son odeur, qui est mauvaise. Et donc c'est pour dire que le mauvais compagnon, il faut faire attention de s'éloigner de ce genre de compagnon-là, et de ne pas le prendre comme modèle, comme exemple. Et combien de musulmans sont tombés dans l'égarement à cause de leur compagnon? La personne qui a commencé à fumer parce qu'elle s'est mise à fréquenter des gens qui fumaient et qui l'ont invité à fumer avec lui, il est devenu un fumeur à cause d'eux. Ou bien qui a commencé à prendre de la drogue parce qu'il se tenait avec des gens qui prenaient de la drogue. Ou bien qui commençait à faire des péchés et à sortir le soir et à faire des péchés avec des gens qui sortent le soir dans les endroits où les gens font le péché et désobéissent à Allah. Combien de gens, de jeunes filles sont tombées dans le péché et qui ont se sont éloignées du hijab et de la pratique de l'islam et des ordres de la religion à cause du fait que elles se sont tenues avec d'autres filles qui les ont amenées vers le péché et la désobéissance. Et des fois, la fréquentation, ce n'est pas seulement une fréquentation qui est physique. À notre époque, il y a même les fréquentations qui sont virtuelles. Et des gens qui font des liens d'amitié avec des gens par Internet, des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés en personne, mais qui deviennent plus proches d'eux que des gens qui vivent avec eux tous les jours. Et qui peuvent avoir sur eux des influences qui sont encore plus mauvaises que l'influence qu'ils ont avec des gens qui sont proches. S'il vous plaît, approchez-vous un peu. Barakallahu fikum. Encore une fois, je m'excuse. Combien de gens sont tombés dans les filets des gens de Bid'a et des Khawarij et des groupes de Daesh, et des groupes de Al-Qaïda et de Takfir à cause de leur fréquentation, à cause des amis qu'ils ont pris qui étaient dans l'égarement, qui étaient dans l'extrémisme, qui étaient dans l'égarement, qui ont écouté des vidéos sur Internet ou qui ont regardé des vidéos qui incitent au Takfir, qui incitent au terrorisme, qui incitent à des idées extrémistes dans la religion, et ils sont tombés dans ça à cause de leur mauvaise fréquentation, à cause de leurs mauvais amis. La fréquentation, c'est dangereux si on ne fait pas attention à qui on fréquente. Et la bid'a est plus grave que les péchés, parce que la bid'a, elle te dévie, elle te fait dévier dans ta foi, elle te fait dévier dans ta croyance. Elle te fait dévier dans ta compréhension de l'islam. Et c'est pour cette raison que les salafs, nos pieux prédécesseurs, ont mis en garde contre l'innovateur plus que contre le pécheur. Parce que l'innovateur, contrairement au pécheur, celui qui boit de l'alcool ou qui fume ou qui fait des péchés ouverts et apparents, tu le vois faire son péché, tu sais que qu'est-ce qu'il fait, c'est mauvais. Et lui-même, il sait que ce qu'il fait est mauvais. Et peut-être qu'il va se repentir parce qu'il est conscient de faire un péché, tandis que le mubtadi, il se donne l'apparence de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui pratique l'islam, qui fait des efforts pour pratiquer la religion. Il peut te tromper facilement, parce que tu penses qu'en le voyant, il est en train de faire ce qu'Allah aime. Mais en réalité, il est dans l'innovation et dans la bid'ah, et il fait des choses qu'Allah n'a pas révélées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnées. Et il tombe dans l'extrémisme et dans l'exagération au sujet de la religion d'Allah, en croyant qu'il est en train de se rapprocher d'Allah et qu'Allah est satisfait de lui, alors qu'il ne fait que recueillir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ses bid'ahs. Hein? Tous ces gens qui sont tombés dans les bid'ahs des khawarij, les bid'ahs des soufiyas, les bid'ahs des rafidahs, shi'a qui insultent les sahaba, et d'autres encore parmi les bid'ahs des groupes contemporains et des différents hizb politiques ou non politiques, parmi les groupes religieux qui prétendent appeler à l'islam et qui sont en réalité en train d'appeler à toutes sortes d'innovations et toutes sortes d'égarements, et qui prétendent appeler à l'islam. Beaucoup de gens se font tromper par ces gens-là. Ils n'appellent pas à des péchés simples, ils appellent à des innovations, à des bid'ahs. Ils te font du telbis. Ils mélangent le vrai et le faux ensemble de manière à ce que ça devienne quelque chose qui est confondu. Quand tu regardes, tu vois du bien et tu ne réalises pas le mal qui est dedans. Et ça, c'est plus dangereux que le péché, parce que le péché, il ne trompe personne. Et malheureusement, les gens, ils se laissent tromper par l'innovateur. Et les salafs, ils ont averti de ne pas s'asseoir avec les innovateurs, de ne pas les fréquenter, de ne pas parler avec eux, de ne pas débattre avec eux-mêmes. Et parfois, certains sont tombés dans la bid'a en voulant justement débattre avec les gens d'une innovation. Ils se sont assis avec eux et ils ont commencé à dire « Je vais les appeler à la sunna. Je vais les appeler à revenir à la bonne compréhension de l'islam. » Mais ils n'avaient pas suffisamment de science pour faire ça. Alors quand ils ont commencé à débattre avec eux, hein, petit à petit, ils ont commencé à absorber la bid'a en eux-mêmes et à l'accepter. Et finalement, ils sont devenus eux-mêmes des innovateurs et des mubtadi'a à cause de ça. Et donc, c'est quelque chose de très important de faire attention à tout ça. Pour terminer, j'aimerais uniquement faire remarquer aux frères une chose avant de partir. Et ce n'est pas relié avec le sujet d'aujourd'hui, mais ça a rapport avec l'espace dans la mosquée. Et on commence à constater à chaque vendredi que on manque de place et que souvent les frères, ils sont obligés de rester derrière jusqu'à ce que même certains frères sont obligés de prier dans le corridor. Et on m'a fait savoir que certains ont même fait des plaintes aux propriétaires et que maintenant ils commencent à critiquer le fait que des gens prient dans le corridor. Donc, il va falloir, inshallah, qu'on commence à penser à agrandir un peu l'espace. Et il y a possibilité de le faire parce que les locaux qui sont à droite, ou qui sont à votre gauche, eh bien, ils sont libres. Donc, on pourrait augmenter l'espace de la mosquée facilement, inshallah. Mais pour ça, par contre, il va falloir votre aide et votre support si on veut justement réussir à ça, parce que ça implique également qu'on va devoir dépenser plus pour le loyer. Donc, si vous êtes d'accord, inshallah, eh bien, on va commencer le projet et on va prendre cet engagement, inshallah, si vous êtes d'accord. Et sinon, on va continuer comme ça, mais il va falloir qu'on demande également un petit sacrifice de la part de peut-être de nos sœurs qui viennent le vendredi pendant un certain temps, jusqu'à ce que, si on commence les travaux, qu'on ait suffisamment d'espace. Donc on leur demandera à nos sœurs, jusqu'à ce que les travaux soient terminés, de s'abstenir de venir à la prière de vendredi pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'on ait agrandi la mosquée pour qu'on puisse profiter de cet espace. Puisque la prière de Jumu'ah, elle n'est pas obligatoire pour les femmes, mais elle est principalement obligatoire pour les hommes. Donc on leur demandera seulement pour quelque temps de s'abstenir de venir à la prière de vendredi. Mais pas tout de suite, on va faire l'annonce à l'avance pour faire savoir aux sœurs quand est-ce qu'on va commencer les travaux. Mais pour le moment,